poser des questions, à me créer des problèmes sans résolution, à me dire que la vie ne m'apporte rien, mais j'y crois pas. Tu passes des nuits à réfléchir pour rien, à me mettre des obstacles sur mon chemin. Tu crois continuer comme ça, mais moi j'y crois pas. Beaucoup d'hommes t'ont aimé, n'ont pas pu te garder. Moi tu me tiens dans ton filet, mais je veux m'échapper. Tes sorts me laissent, oui, indifférent. Je veux ma liberté à présent. Laisse-moi, regarde-moi. Des plans pour me faire tomber à tes pieds comme un enfant. Tu fais ça pour que je reste là, mais ça ne marchera pas. Toi tu aimes faire souffrir dans le fond, oui c'est ton loisir. Trop de larmes vont couler à ton tour de pleurer. Les heures passées à t'attendre, ça c'est fini à présent. Laisse-moi, regarde-moi, mais écoute-moi, car je ne suis pas le que tu crois. Depuis que tout a commencé, je te mens. Et après tout ce que tu m'as fait, je me venge. Je t'ai peut-être, oui, menti, mais au moins, moi je te l'ai dit. Toi tu me caches la vérité et t'amuses à me tromper. C'est fini ces histoires, à ton tour. Regarde-moi, mais écoute-moi, car je ne suis pas le que tu crois. Non, je ne suis pas le que tu crois. Non, je ne suis pas le que tu crois. Oh non, non, pas le que tu crois. Moi, je ne suis pas le que tu crois.